Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le film dure 32 minutes, ce n'est pas long, 32 minutes sur une heure de cours. Le temps que les élèves entrent en classe, qu'ils s'installent, le temps de faire l'appel, d'accueillir un retardataire. 32 minutes, cela permet de dire quelques mots avant pour présenter le film. Il a été réalisé par Alain Resnais, c'était en 1955, sorti en 1956, c'est-à-dire seulement 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Expliquez aussi que les textes sont de Jean Cayrol, que Jean Cayrol est un écrivain qui a été résistant, arrêté et déporté pendant la guerre. Oui, il faut un peu de temps avant de lancer la projection pour mettre en garde. Le film débute par des images en couleur, puis viennent les archives en noir et blanc, des images parfois insoutenables. Le film commence avec la voix de Michel Bouquet qui explique que même un paysage tranquille, même une prairie avec des vols de corbeaux, des moissons et des feux d'herbe, même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances avec une foire et un clocher peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration. Le film « Nuit et brouillard » d'Alain Resnais dure 32 minutes. 32 minutes sur une heure, c'est bien, ça laisse du silence après le film. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous revenons sur les 75 ans de la libération des camps, des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet le cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en baladodiffusion, le podcast, des émissions que vous pouvez commenter sur le groupe Facebook le cours de l'histoire. Aujourd'hui, chant contre chant, les images des camps. Oui, parce que il nous reste beaucoup d'images des camps prises après la libération, notamment par les alliés, mais il y en a aussi qui ont été prises de l'intérieur. Et pour nous en parler aujourd'hui, vous êtes avec nous, Christophe Cognet, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, notamment de documentaires, et votre dernier ouvrage s'intitule « Éclat avec un S, prise de vue clandestine des camps nazis ». Christophe Cognet, quelle était cette démarche? C'était déjà de retrouver ces clichés pris à l'intérieur des clans? Ça a été de les retrouver, ça a été d'essayer d'établir une sorte de corpus de ces images. Et puis ça a été surtout de prendre la photographie comme un acte, autant que comme une image. C'est-à-dire, une photographie, c'est toujours la rencontre entre un photographe et une scène. C'est une empreinte, une trace physique quand il s'agit de l'argentique. Donc mon travail, ça a été à la fois de regarder ces images, d'essayer de les décrire, de les comprendre, et aussi d'aller sur place, de retrouver les quand on pouvait les lieux où elles avaient été faites, de constater les superpositions, de constater ce qui avait changé, pour essayer de comprendre l'aspect physique de ces images. Annette Vivorca, vous êtes avec nous également ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche honoraire au CNRS, vous êtes spécialiste de la Shoah, vous avez écrit « Ils étaient juifs, résistants, communistes » et notamment vous avez écrit « 1945, c'est chez La Découverte ». Vous avez donné un avant-propos à cet ouvrage de Christophe Cognet, « Éclat ». Quel regard portez-vous comme historienne sur sa démarche, le retour à une source particulière? Une source qui nous émeut, il faut le dire, c'est ces photos prises à l'intérieur des camps. J'ai effectivement préfacé le livre de Christophe Cognet. Sa démarche est très originale, puisqu'il s'intéresse à un très petit corpus, puisque les images ne sont pas très nombreuses, qui ont été prises par un tout petit nombre d'internés, et qui sont en même temps finalement un acte de résistance dans les camps, puisque dont la démarche qui est celle de ceux qui risquent leur vie pour essayer de se procurer un appareil photo, la pellicule, les cachets après, il y a cette idée qu'il faut témoigner. Et c'est particulièrement net si on considère deux de ces séries d'images, celle des cobayes vivants de Ravensbrück, qui sont restés dans l'histoire sous le nom des lapins, et celle des quatre clichés prises par un membre du Sonderkommando, du commando spécial, dans une des grandes chambres à gaz crématoires de Birkenau. Ces deux séries de clichés étant en fait réellement pour avertir le monde, de préférence dans le temps même où le photographe, enfin où se déroulent les événements. Donc c'est une démarche très intéressante. Et j'aurais dire quand même deux petites choses, si vous me permettez. Allez-y, rapidement. C'est que la grande médiatisation, c'est l'ouverture des camps par les Américains. Vous aviez cité 1945. Et je voudrais dire aussi quand même que le film d'Alain Resnais, que vous avez cité, a fait l'objet d'un livre complet que Christophe Cognet cite à plusieurs reprises, qui est le livre de Sylvine de Pergue, Nuit et brouillard, un film dans l'histoire. Mais c'est vrai que ces images, vous l'avez souligné, Annette Vivorka, ont été prises dans les camps pour interpeller les contemporains. Et aujourd'hui, ces images-là nous interpellent, nous, qui avons suivi tout cela, et notamment l'historienne que vous êtes, dans la lecture qui peut être faite sur ce temps, depuis le moment de la prise de vue à aujourd'hui, ces différents regards. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on pourrait d'ailleurs, si on voulait faire un temps long, regarder les premières images des premiers camps nazis, ceux qui ont été ouverts en 1933, et continuer par cette espèce d'explosion médiatique et d'images. Moi, j'avais suivi un des photographes, Eric Schwab, dans son périple dans les camps. Donc, cette masse de documents que l'on a de la période où, pour reprendre Alain Resnais, repris par Olga Farbser-Migaud, quand les Alliés ouvrirent les portes. Portes des camps. Nous allons discuter de tout cela, de cette histoire visuelle de l'Holocauste, en allant plus loin, notamment avec vous, Valérie Posner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire du cinéma russe et soviétique. Vous avez été commissaire de l'exposition Film et la guerre, les soviétiques face à la Shoah. Donc c'était au mémorial de la Shoah. Il y a un projet de recherche internationale qui se met en place en ce moment. Vous pouvez nous le présenter, s'il vous plaît ? Alors oui, il s'agit d'un projet européen qui réunit 13 partenaires de différents pays et qui consiste à créer une plateforme réunissant les images fixes et animées prises du côté est comme du côté ouest à partir de justement de l'ouverture des camps et de la découverte des sites de crimes nazis. Et toutes ces images seront non seulement visibles, mais sourcées, et on pourra les analyser et les croiser avec la documentation papier dont la communauté scientifique dispose aujourd'hui. Avec nous également ce matin, Irina Tcherneva, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne de l'image documentaire, spécialiste du cinéma soviétique. Vous avez également participé à la préparation de l'exposition Filmer la guerre, hein, les soviétiques face à la Shoah, 1941-1946. C'était au mémorial de la Shoah, mais il y a le catalogue toujours. Et vous avez dirigé avec Valérie Posner et Vanessa Voisin, Surmonter la guerre, l'industrie du cinéma soviétique de 1939 à 1949. Il y a une nécessité aujourd'hui, elle est étonnante toujours hein, de se dire nous sommes au début du 21e siècle, enfin il est bien entamé ce 21e siècle, de retrouver ces images et de se dire il faut maintenant regarder, les sourcer, tout organiser. Pourquoi si tard ? Il me serait difficile de répondre pourquoi si tard. En revanche, aujourd'hui, lorsque nous identifions ces images dans les archives audiovisuelles de Russie, d'Ukraine, de Biélorussie, des pays baltes, nous nous rendons compte à quel point nombre d'images n'ont jamais été vues, n'ont jamais été projetées. Nous nous rendons compte également de la circulation de fragments de filmages entre ces différentes républiques soviétiques lors de la période soviétique. Et en fait, la conservation de ces fragments dans les archives audiovisuelles de ces pays indépendants actuellement doit être absolument contextualisée, puisque c'est aujourd'hui que nous menons ce travail qui consiste à interrelier ces fragments avec les filmages originaux qui sont conservés à Moscou dans les archives audiovisuelles, et finalement réunir également toute la documentation textuelle qui permettent de comprendre, d'inscrire en fait dans le contexte social et politique le geste, justement l'acte des cinéastes, ce travail n'a pas été entrepris non plus jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons à ces images des camps, celles, il y en a beaucoup, prises après l'ouverture des camps, et celles, très rares, prises dans les camps. Et pour commencer, je vous propose d'écouter Olivier Martineau nous lire un extrait de l'ouvrage sur la photographie de Suzanne Sontag, une approche pour réfléchir sur quelles sont ces images que nous voyons aujourd'hui qui nous parlent de ce passé qui fait l'actualité. Olivier Martineau. La première rencontre que l'on fait de l'inventaire photographique de l'horreur absolue est comme une révélation. Le prototype moderne de la révélation. Une épiphanie négative. Ce furent pour moi les photographies de Bergen-Belsen et de Dachau que je découvris par hasard chez un libraire de Santa Monica en juillet 1945. Rien de ce que j'ai vu depuis en photo ou en vrai ne m'a atteinte de façon aussi aiguë, profonde, instantanée. De fait, il ne me semble pas absurde de diviser ma vie en deux époques, celle qui a précédé et celle qui a suivi le jour où j'ai vu ces photographies. J'avais alors 12 ans, bien qu'il me fallût encore plusieurs années avant de pouvoir comprendre complètement leur signification. À quoi bon les avoir vues ? Ce n'étaient que des photos, photos d'un événement dont j'avais à peine entendu parler et auquel je ne pouvais rien changer, d'une souffrance que je pouvais à peine imaginer et que je ne pouvais en rien soulager. Quand j'ai regardé ces photos, quelque chose s'est brisé. Une limite avait été atteinte, et qui n'était pas seulement celle de l'horreur. Je me sentis irrémédiablement endeuillé, blessé. Mais une partie de mes sentiments commença à se raidir. Ce fut la fin de quelque chose. Ce fut le début de larmes que je n'ai pas fini de verser. Olivier Martineau qui nous lisait en direct un extrait de l'ouvrage sur la photographie de Suzanne Sontag. Dites-nous, Christophe Cognet, ce que nous dit Suzanne Sontag sur cette blessure qu'elle ressent à la vue de ces photographies. Est-ce la même blessure qui vous a conduit à aller rechercher ces photographies extrêmement particulières, les rares photographies qui ont été prises à l'intérieur des camps bien avant qu'ils soient ouverts, qu'ils soient libérés? Oui, d'une certaine façon, j'ai vécu la même chose un peu que Suzanne Sontag, mais moi, c'est en regardant Nuit et brouillard. J'avais le même âge qu'elle, d'ailleurs, j'avais 12 ans. Et je cite ce très bel extrait dans mon livre aussi, pour montrer à quel point il y a un avant et un après la découverte de ces images. Et je pense que moi, j'avais pris rendez-vous à 12 ans avec ces images. Et c'est plus tard, par la rencontre d'un peintre qui s'appelle Boris Tatlitsky, qui avait fait des œuvres clandestines à l'intérieur de Buchenwald, des dessins et des aquarelles, que j'ai compris qu'il y avait peut-être un chemin à faire à rebours, qui était celui de regarder du point de vue des déportés, là où ils avaient pu faire des images, quand ils avaient pu en faire, en fait. Et donc, j'ai fait d'abord un film qui s'appelle Parce que j'ai été peintre sur ces images clandestines, et maintenant, il y a eu le travail sur la photographie. Donc ça fait 15 ans que j'ai commencé ce chemin. Et donc la question, c'était le regard des déportés, parce que ça me semblait très important de comprendre ce point de vue où on partage le photographe partage la condition de la personne photographiée. Il y a une égalité de conditions entre les deux qui change radicalement le rapport à l'image. Il y a des photographes des armées alliées qui ont expliqué, Margaret Bourke White par exemple raconte à quel point l'appareil photographique l'a protégée de ce qu'elle photographiait, des tas de cadavres par exemple à Buchenwald, et qu'elle regardait pas, en fait, que l'appareil photo l'empêchait de regarder d'une certaine façon. Donc il y a eu beaucoup de témoignages comme ça des soldats ou des journalistes qui ont accompagné la progression des armées. Et par contre, eux, les déportés qui photographiaient leurs semblables, ou des gens qui étaient devant eux, évidemment, avaient un autre regard. Et c'est ce regard-là. Alors, comme il y a, disait Annette Vivorca tout à l'heure, il y a très très peu d'images. Il y a une cinquantaine de fêtes de clandestines faites à Darao, mais si on exclut ces photographies, c'est 11 à Burenwald, 5 à Ravensbrück. Donc c'est un tout petit corpus. C'est pour ça que le film s'appelle Éclat aussi. C'est dans le sens de brisure. Hein, voilà. Voilà, ce sont ces éclats que vous étudiez, Christophe Cognet. Annette Vivorca, ces images-là étaient connues, c'est-à-dire que dans le regard que l'historienne a pu porter sur la libération des camps, il y a les images filmées, alors c'est dur de dire de propagande, mais enfin un but par les alliés pour montrer l'horreur. Ces images-là, est-ce que l'on y prêtait attention? Alors, connues, faut toujours demander par qui. Donc, une petite partie de ces images ont été réutilisées. Elles n'ont pas eu l'impact qu'ont eu les images dont parle Susan Sontag, et particulièrement les images de Bergen-Belsen. Alors, les Alliés ont fait vraiment des opérations, moi anachroniques, de médiatisation. La première opération de médiatisation, elle a été autour du camp d'Ordruf, quand les généraux Patton et Eisenhower ont décidé de faire venir beaucoup de gens, y compris les journalistes, les opérateurs, pour voir le camp. La deuxième grande opération médiatique, ça a été celle des Britanniques, avec Bergen-Belsen, où on a filmé, avec en plus le sentiment aigu que il serait possible de contester ceux qui avaient été filmés, donc un effort de faire des plans larges de façon à ce que personne ne puisse dire non, les images ont été bidonnées. Et ces images de Bergen-Belsen, qui en fait disent rien de l'univers concentrationnaire, contrairement aux rares photos dont parle Christophe, qui ne disent rien non plus de l'assassinat des Juifs dans les chambres à gaz, qui disent rien de l'assassinat des Juifs au bord des fosses dans l'ex-Union soviétique. Ce sont ces images qui ont été cette révélation pour Susan Sontag, pour beaucoup d'autres, et par le biais de Nuit et Brouillard, pour des générations et des générations d'écoliers. Ce sont ces grandes fosses où les bulldozers vident les cadavres. Donc il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est de voir que ce sont les images de la fin des camps qui ne renseignent pas tout à fait ni sur le génocide des Juifs, ni leur assassinat dans Rheinau-Bergen-Belsen. Ce sont ces images-là qui ont imprégné les imaginaires. Un petit mot, pourquoi pas avant? Parce que pourquoi pas avant avoir cherché à collecter l'ensemble des images? Parce que on est dans une actualité à cette époque-là. Et puis j'aurais pas faire preuve d'un marxisme primitif, mais il y a quand même une révolution technologique qui permet et la collecte et l'analyse et cette chose nouvelle qui est la plateforme. Ça n'existait pas dans les années d'après-guerre. Annette Vivorca, nous parlons de libération des camps, ce qui est toujours paradoxal comme expression, parce qu'en vrai, on libère des gens, ou alors on libère une ville, Paris libérée, parce qu'elle continue après, le camp disparaît. On va dire que ce sont ces hommes, ces femmes qui sont libérés, mais les images prises en 1945 montrent, et vous l'avez évoqué, et elles sont troublantes, ces amas de corps, des masses de personnes. Vous, Christophe Cognet, en montrant l'image prise pendant la détention, vous nous rapprochez de l'individu. Et la question qui se pose, c'est comment ces images ont-elles été prises? Quelle est cette aventure? C'est une folie, nous imaginons dans le camp comment cela pouvait être. Comment on a pu prendre certaines photos? À chaque fois, c'est une histoire différente. Hein. Il n'y a pas de généralité. C'est à chaque fois, chaque image est une sorte de petit miracle, hein, dans le sens la somme de hasard et d'une volonté souvent de faire des gens qui les ont faites. Peut-être la seule chose qui les rassemble toutes, c'est qu'elles sont toutes l'œuvre de collectif. C'est souvent des chaînes de solidarité, de résistance qui ont permis l'arrivée d'un appareil photo, de trouver de la pellicule. Les prises de vue, des fois, ont été surveillées. Par exemple, les femmes de Ravensbrück, il y a 5 photographies qui sont faites. Il y a 3 femmes qui sont photographiées où elles montrent leurs blessures à leurs camarades qui les photographient. Et il y a peut-être 10 à 15 femmes de ces cobayes qu'on appelle les lapins qui se sont organisées pour faire ces photographies. À Buchenwald, c'est Georges Angéli, qui est un déporté français, qui était apprenti photographe avant la guerre, et qui se retrouve dans le service photographique du camp, et qui découvre des appareils photo. Il en shippe un, il shippe aussi 2 pellicules, il entoure tout ça dans un papier journal, et il fait une sorte de circuit dans Buchenwald un dimanche où il n'y avait pas de travail obligatoire. Et il est accompagné d'un autre qui le précède un peu en le protégeant de son corps, qui est José Fosti, qui était aussi un artiste belge, et 2 autres aussi camarades les ont à un moment donné rejoints pour les protéger pendant leur prise de vue. Et puis il y a celles qui sont les plus dures d'une certaine façon et les plus aiguës sont celles que Alberto Herrera, qui est un juif grec, membre du Sonderkommando qui était obligé de travailler autour du Critérium 5 de Birkenau. Et lui aussi, il y a une chaîne qui s'est organisée pour trouver un appareil photo, l'amener dans la zone où ils étaient, faire les photographies. Il y a 3 autres membres du Sonderkommando qui, d'une certaine façon, le protègent et surveillent les entrées et les sorties de l'endroit où ils se trouvent pour faire les photos. Et après, 2 mois après, les photos sortent. Non pas de Birkenau, elles passent à Auschwitz 1, et de Auschwitz 1, elles sortent en octobre, c'est-à-dire 2 mois après leur prise de vue. Donc à chaque fois, c'est des chaînes de solidarité, et à chaque fois, c'est un risque inouï. Chaque prise de vue est faite au péril de la vie du photographe, d'une certaine façon. Avec ces photos très particulières que vous évoquez, Christophe Cognet, donc ce sont celles où l'on voit des corps se faire brûler. Et puis, il y a ces autres photos très particulières aussi, où des femmes, nous sommes à Ravensbrück, derrière un bâtiment, en fait, où elles soulèvent leur jupe pour montrer, en tant que cobayes humains, les blessures qu'on leur a faites. Et dites-nous, Annette Vivorka, parmi toutes ces photos, malgré tout, la plupart, ce sont des photos, j'ai du mal à trouver les mots, paisibles. Ce sont des portraits, ce sont des gens qui marchent. Elles ont besoin d'être contextualisées pour comprendre l'horreur d'où elles proviennent. Oui, alors avant, je voudrais quand même revenir sur qu'est-ce qu'on libère. Revenez à la Vivorka. Qu'est-ce qu'on libère? D'abord, on libère des installations. Maïdanek, juillet 44, le camp est vide. Médiatisation quand même de cette libération, avec notamment Maurice Thorez qui lit à Radio Moscou les noms des Français qui ont été à Maïdanek. Shtroutov, on libère aussi des installations. Grande médiatisation, on est en novembre 1944. Et après, Ordruf, pareil, pas d'internés. Donc les premiers internés, ils sont en très petit nombre, à peu près 7000 dans les camps d'Auschwitz-Birkenau. Et c'est surtout après Buchenwald qu'il y a des masses de gens qui sont libérés. Donc je reviens sur la question ces photographies, c'est vrai que nous voyons des gens assis, il y en a une où nous voyons des gens allongés sur l'herbe. C'est vrai qu'il faut les contextualiser les comprendre. Alors, j'en ai discuté avec Christophe Cognet, parce qu'il y a une étrange, il y a un calme étrange de ces photos. Et puis il y a tous ces portraits, les 50 portraits d'Arao. Une partie des portraits d'Arao. Il évoquait l'œuvre de Boris Tastitsky, qui aussi dessine. Je pense par exemple au portrait de cet immense personnage dans la vie culturelle française, puisque il y a eu toute une politique à l'égard de la lecture qui est Julien Quint. Et c'est vrai que, alors je vais le laisser répondre à la question que je lui ai posée, parce que comme vous, ça m'a frappé. Parce qu'on fait une photo, Christophe quand on Cochet. Peut faire une photo, en fait. C'est-à-dire que quand on n'est pas soumis au travail obligatoire, quand on n'est pas soumis à, quand on n'est pas occupé à trouver des lacets ou trouver de la nourriture, on peut photographier. Donc forcément, la photographie, la plupart des photographies, en tout cas celles de Darao, de Buchenwald, sont faites dans des temps morts, disons, de la vie concentrationnaire. Le dimanche après-midi, il y a des gens allongés dans l'herbe qui se reposent épuisés, harassés par les journées de travail, et donc on voit des gens allongés dans l'herbe qui se reposent. C'est ça. Et puis l'autre chose, c'est qu'évidemment la photo c'est un instantané, c'est-à-dire c'est il y a pas de son dans la photo, c'est un instantané, et évidemment on a des positions de corps qui peuvent être celles de gens en arrêt aussi, parce qu'il y a des temps de pause, c'est une époque où les pellicules sont très peu ont très peu de sensibilité, donc on a des temps de pause assez longs, donc forcément dès qu'il y a quelqu'un qui bouge, on a du flou. D'ailleurs sur les images de Berkano, la plupart sont floues. Les photographes qui connaissent un peu ça photographient aussi des gens en arrêt, en fait. Donc si on rassemble toutes ces raisons, effectivement on a des un rapport très parcellaire. Très très parcellaire et très particulier, très singulier à chaque fois dans chaque prise de vue. Et effectivement, c'est pour ça qu'il faut raconter comment elles ont été faites et ce qu'elles montrent à chaque fois dans cette espèce de double entre d'un côté l'histoire du photographe et de l'autre l'histoire de ce qui est montré, de ce qui est photographié, en fait. Annette Duborca, dans la préface que vous donnez à l'ouvrage Éclat de Christophe Cognet, vous dites c'est de la micro-histoire, en fait. C'est une démarche de micro-histoire. Vous citez Ginsburg, Carlo Ginsburg, l'historien italien. Il y a de ça aussi. On part d'un document, cette photographie, qui ne montre pas grand-chose parfois. Mmh. Et puis ça permet de tirer, de connaître l'histoire de la photo, de la personne qui l'a prise, et d'étendre. Il faut dire aussi que les photos de la libération des camps, notamment celles de Bergen-Belsen, ont fait une sorte d'écran par rapport à ce qu'a été l'histoire des camps de concentration. Je parle des camps de concentration, je ne parle pas des centres de mise à mort comme Birkenau, Reimnau, qui étaient faits uniquement pour assassiner. Où les nazis ont, de façon très perverse, construit à l'intérieur du camp une hiérarchie de détenus qui fait que la situation des détenus dans les camps était très différente. C'est Germaine Tillon qui disait qu'il y a plus de différence entre un détenu qui est en haut de la hiérarchie et un qui est en bas qu'entre la reine d'Angleterre et le dernier des vagabonds en Angleterre. Donc on a des détenus qui, par la position qu'ils ont eue, qui leur a permis parfois de protéger, mais pas toujours, étaient d'une corpulence à peu près normale, habillés à peu près normalement. Et c'est quelque chose que le choc des images de la libération a oublié, mais que tout historien du système concentrationnaire connaît très bien. Dans ce livre, Éclat, prise de vue clandestine des camps nazis, Christophe Cognet, au-delà de votre travail de retrouver les documents, ces photographies prises dans les camps, au-delà de retracer l'histoire des photographies des gens qui les ont prises, au-delà de l'émotion ou de la qualité d'écriture, parce que c'est très important, il y a des clins d'œil, des rappels, et il y en a un qui termine l'ouvrage et que je voudrais ce matin que nous écoutions, lu par Olivier Martineau. C'est un poème de Paul Celan, Psaume. C'est ce poème-là, Paul Celan, il faut le rappeler, hein, parce qu'il écrit en allemand, c'est un poète de langue allemande, mais il est né roumain, il est naturalisé français, donc nous sommes bien en Europe, nous sommes un homme qui a un regard... Se suicide en France dans les années 70, oui. Ouais, merci à Annette Vivorca de préciser. Eh bien, ouais. Écoutez... Olivier Martineau, nous lire ce poème de Paul Celan. Personne ne nous repétrira de terre et de limon. Personne ne bénira notre poussière. Personne. Loué sois-tu, personne. Pour l'amour de toi, nous voulons fleurir contre toi. Un rien, nous étions... Nous sommes, nous, resteront en fleurs. La rose de rien, de personne. Avec le style clair d'âme, l'étamine des airs des cieux, la couronne rouge du mot de pourpre que nous chantions au-dessus, au-dessus de l'épine. Merci beaucoup Olivier Martineau. Ce poème de Paul Celan, qui est lu en direct ce matin dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission où nous réfléchissons à ces images prises dans les camps, à ces images prises des camps, et notamment avec vous, Valérie Posner, Irina Tcherneva, sur ces images venues du RSS, de ceux qui sont arrivés, qui ont également filmé, mais qui représentent un angle mort dans tout ce que nous avons pu voir des images. Comment elles ont été prises, ces images-là, diffusées, utilisées, ces images de la libération des camps? Irina Tcherneva. Effectivement, il faut remonter à 1941 pour comprendre cette situation dans laquelle les images commencent à être prises. Donc au fur et à mesure de la libération des territoires occupés, en fait, les cinéastes soviétiques et les photographes soviétiques prennent des clichés, réalisent des prises de vue, parfois quelques jours seulement après les crimes, l'accomplissement des crimes, parfois au contraire comme à Kiev par exemple, plusieurs années, des tentatives d'effacement de traces. Ces images, en fait, un des objectifs de notre projet, précisément, c'est aussi de comprendre les trajectoires des opérateurs et des photographes qui ont traversé plusieurs lieux de massacre, la découverte de plusieurs lieux de massacre, afin de comprendre avec quel bagage visuel, avec quelle expérience ils arrivent lorsqu'ils filment Majdanek ou Auschwitz. Excusez-moi, allez-y, Irina Tcherneva. Oui, pour répondre à la deuxième partie de votre question, comment ces images ont été diffusées, ils ont été en partie diffusées au moment même. En fait, la dissociation des informations visuelles se produit à ce moment-là, à l'instant de la diffusion précisément. Donc, un certain effacement de la présence des victimes juives se produit au moment de la diffusion. En particulier, je songe à un exemple de l'assassinat de 2000 juifs à Kluga, en Estonie, où les images des uniformes avec l'étoile de David ont été bel et bien filmées par les cinéastes. Ces images ont été envoyées au tribunal de Nuremberg, et pourtant diffusées en URSS, donc destinées au public soviétique. En fait, ces images ont été nettoyées de toute trace de la judéité des victimes. Donc, il y a plusieurs circuits de diffusion, et pour analyser ces images, nous avons besoin de prendre en compte les différentes visées de la diffusion. Écoutez, c'est un extrait alors des actualités françaises, parce que c'est diffusé aux actualités françaises en 1945, mais ce sont des images venues du monde soviétique, envoyées toujours dans cette idée de preuve, et voilà ce que ça pouvait donner face aux images monstrueuses. Il y avait du russe. Освобожденный Красной армией от немцев город Краков, один из стариннейших городов Европы. Краков издревле был столицей Польши. Во время немецкой оккупации здесь устроил свою резиденцию гитлеровский палач. Voilà, donc ces images venues de l'URSS étaient attendues, regardées, parce que nous avions des documents. Et là, on n'est pas dans le document historique, on est dans la preuve. Valérie Posner, comment elles étaient reçues, ces images venues du monde russe, comme une preuve? Voilà, il y avait besoin d'images, mais on est dans un contexte particulier où les communistes sont forts. Les communistes ont énormément participé à la chute du régime nazi. Comment ces images-là ont vécu ensuite? Qu'est-ce qu'on en a fait? Alors, d'une part, il y a un certain retard à l'arrivée de ces images, notamment par exemple en France. Le film que les soviétiques montent à partir des prises de vue réalisées à Majdanek, Annette l'a dit tout à l'heure, en juillet 44, ne vont être, enfin, vont faire l'objet d'un film qui est prêt en septembre 44, mais la diffusion, l'arrivée en Europe va s'étaler sur de longs mois. Pourquoi ? Parce que ces images sont tellement atroces. Or, tous les déportés ne sont pas encore rentrés en France. Et donc, il y a, n'est-ce pas, une rétention de peur des effets possibles sur le public. Il y a une censure du ministère. Voilà, Anna Dvorka précise, il y a une censure du ministère pour pas montrer ces images directement. Bien sûr. Alors là, il était question de... Dans le documentaire que, enfin, dans l'accroche, le petit extrait que vous avez diffusé, il était question de la libération de Cracovie. Et donc, en fait, il s'agit évidemment de la découverte et des images filmées à Auschwitz, sur lesquelles nous sommes aussi renseignés, mais qui ont fait l'objet, disons, de la part des Soviétiques, d'une couverture médiatique bien moindre que celle qui concernait Majdanek. Majdanek est vraiment le temps fort de la médiatisation. À Auschwitz, on est déjà dans un autre temps qui est celui de la libération et de la fin de la guerre, qui va en quelque sorte un petit peu marginaliser les images d'Auschwitz. Mais comment ça s'explique cette différence, ou alors y a-t-il une différence de pratique entre, on va dire, les alliés États-Unis, Britanniques, qui ont ces images-là, et les Soviétiques, qui ont des images similaires? Est-ce qu'elles sont utilisées de la même manière d'un côté et de l'autre? Nous avons entendu ce que vous disiez, hein, Irina Tcherneva, qu'il y avait la volonté d'effacer la judaïté sur certaines images. Cela s'explique dans un contexte plus particulier, en fait, du rapport du régime stalinien à la population juive qu'il y a en URSS. Mmh. Bah, j'aimerais répondre à votre question en deux temps. Effectivement, en ce qui concerne l'effacement de la judaïté, en fait, au moment où les opérateurs soviétiques filment, admettons Babi Yar ou Kerch en Ukraine ou Kluga, en fait, ils disposent des informations sur le nombre de victimes juives. Ils ont accès aux informations, aux rumeurs qui circulent dans la population locale. Ensuite, ils travaillent pour les enquêteurs de la commission extraordinaire d'État qui enquête sur les crimes, et donc au fur et à mesure ils collectionnent en fait des témoignages, des rapports de différents experts, de médecins légistes, et donc lorsque nous remontons cette chaîne de documentation de la création des images, lorsque nous lisons aujourd'hui des rapports de filmage qui ont été dressés par les opérateurs pour accompagner les bobines lorsqu'ils les envoyaient à Moscou, en fait, nous retrouvons ces informations. C'était parfaitement clair, aussi bien aux locaux que aux cinéastes. Ensuite, un certain nombre de tris s'opèrent au studio central du cinéma documentaire à Moscou, puis dans les archives. Et donc, j'ai essayé d'insister tout à l'heure sur le fait que cet effacement, il est partiel. Parfois, lorsque ces images sont diffusées, c'est statué très clairement qu'il s'agit précisément de victimes juives. Parfois, au contraire... c'est l'information visuelle qui perd cette part importante de renseignement, et parallèlement dans la presse écrite cette information surgit, et donc les spectateurs et les lecteurs ont la possibilité de d'articuler ces deux types d'informations. Valérie, donc cela ne dépend pas toujours de l'autorité centrale exclusivement. Pas uniquement, Valérie Posner, ces images là aujourd'hui, il y a une volonté, c'est le programme qui est lancé, le programme international, de les retrouver. Ces images-là ont été mises de côté ou elles sont facilement accessibles? Elles sont facilement accessibles pour peu qu'on réussisse à les identifier. Car, disons que elles sont d'abord fondues dans la masse générale qui consiste en des millions de mètres de pellicule, de toutes les images des combats et de la période de la guerre. C'est une des premières difficultés. L'autre difficulté est que disons qu'il faut vraiment bien maîtriser la les périphrases et la rhétorique soviétique et la langue de bois soviétique qui n'appelle jamais un chat un chat. Et donc, on ne peut pas trouver victime juive, n'est-ce pas, dans le catalogue lorsqu'on cherche des images. En revanche, si on cherche des populations pacifiques torturées, là, on va retrouver ces images de populations juives fusillées, notamment dans les fosses. Mais je voudrais ajouter à ce que disait ma collègue Irina sur cet effacement et ces différents niveaux, n'est-ce pas ? Il faut bien voir que la visée générale de cet effacement n'est pas due à une quelconque volonté, disons, qui remonterait à un sentiment violemment antisémite, mais au contraire à ne pas montrer les Juifs comme seules victimes de la fureur nazie. Au contraire, il s'agit d'impliquer au maximum le spectateur qui est, qu'il soit un combattant sur le front ou qu'il soit un combattant de l'arrière, en train de préparer des armes dans une usine soumis à des cadences infernales, n'est-ce pas ? De, en quelque sorte, lui suggérer que demain, c'est lui qui pourrait être assassiné ou dont les proches pourraient être assassinés. Et donc, si vous ciblez juste une catégorie de population, vous n'allez pas réussir à mobiliser l'ensemble d'un peuple multiconfessionnel, voilà, et multinational. Il faudrait surtout pas cliver. Annette Vivorka. Oui, j'entends bien ce que dit Valérie. Je ne suis pas en désaccord, mais un peu quand même. Parce que si on regarde la suite immédiate, c'est quand même l'assassinat de Mirols, c'est quand même l'arrêt du comité juif antifasciste, c'est quand même l'interdiction de publier le livre noir de Vassili Grossman et de Ilya Ehrenburg, qui était déjà prêt. Et c'est après tout ce mouvement antisémite qui commence en Union soviétique, dès après la victoire, et qui va se continuer au minimum jusqu'à la mort de Staline, jusqu'en 53, oui, avec le complot des blouses blanches. Donc je pense qu'il y a les deux à la fois. Il y a les deux, il y a les deux mouvements. Il y a l'idée de ne pas faire de catégorie pour permettre le combat, mais il y a aussi le fait que la guerre et la création du comité juif antifasciste a redonné aux juifs soviétiques une identité et que c'est insupportable pour le régime soviétique. Valérie Posner. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec Annette, bien sûr. Il y a tout cela après. Mais disons que quand on est confronté à cette différence entre, disons, le régime auquel sont soumises les images et les textes publiés dans la presse exactement de manière concomitante, il faut bien qu'on trouve un autre mode d'explication. L'image appelle l'affect, le reportage décrivant dans la Pravda exactement la même ouverture de fosse, la même exhumation de cadavres, citant nommément les personnes juives assassinées ici, n'est-ce pas ? Voilà, non mais on sent bien que, de toute façon, vous le voyez, en étudiant ces images prises par les soviétiques et surtout l'histoire de ces images-là, qu'il y a un choix derrière ces images. J'ai une question, moi, qui me taraude malgré tout, parce que en écho à l'ouvrage de Christophe Cognet, prise de vue clandestine dans les camps nazis, est-ce que l'on peut imaginer trouver d'autres photos clandestines dans les archives de l'ex-URSS ? Elles sont connues, ces archives ? Enfin, est-ce qu'elles sont entièrement inventoriées ? Il y a encore des surprises dans ces archives ? Il y a énormément de surprises dans ces archives. En revanche, les images clandestines, finalement, il y en a très très peu. En fait, nous retrouvons... Bah,

to use those testimonies to draw conclusions about how they can better their communities. Aujourd'hui, la question se pose à une nouvelle génération qui s'empare de la tâche de continuer à faire et transmettre cette histoire. La génération de ceux qui ont entendu directement ces témoignages, qui ont connu les témoins et se sentent aujourd'hui dépositaires et surtout passeurs de cette expérience. Des témoins d'une nouvelle nature, les témoins du témoin, auxquels se pose la question de savoir que faire de ce massif de témoignages qui n'aura jamais eu plus de valeur que dans les années à venir. Merci beaucoup Anaïs. L'exposition La Voix des témoins, c'est au Mémorial de la Shoah jusqu'au 3 janvier 2021. Et pour aller plus loin, pour télécharger ou réécouter le journal de l'histoire, eh bien rendez-vous sur le site internet franceculture.fr. Anna Diborka, vous sentez vous aussi ce questionnement autour du témoin qui, là, lors du 75e anniversaire de la libération des camps, a souvent été posé. C'est un moment de rupture dans l'historiographie de la Shoah. Je pense que cette exposition dont la commissaire est Léa Weinstein est une exposition exceptionnelle. Je pense que les témoins qui disparaissent aujourd'hui meurent, suivant l'expression, dans leur lit. Ils meurent normalement, de mœurs naturelles, au bout de leur vie. Ils ont, les derniers en vie, plus de 90 ans. Donc c'est en fait le passage du temps qui nous éloigne de plus en plus de l'événement et qui fait disparaître la mémoire vive, puisque aujourd'hui les enfants des écoles n'ont plus de grands-parents, c'est leurs arrière-grands-parents qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Et cette donnée-là est fondamentale, c'est la fin d'un monde et la fin d'une époque. Merci beaucoup Anna Diborka de tout ce que vous nous dites en conclusion de cette émission avec un sujet que nous poursuivons toute la semaine car ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers. Nous parlons de la libération des camps dans le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Camille André et Aurélie Lachkar. À demain pour un autre thème, étudier, enseigner la Shoah.